fucking jive, a fucking jive, don't bitch it, bitch it. Tell me a fucking child, tell me the child is go for a mara. Child one sense, be my car. Child pick up a good one, say, who give me bar. Got a little more, tell me child is on the car. Do something more, can give me for my car. Make a shot, because I'm still a slow car. Child, I'm so child. A child, yo. The band better, you see, say, more kit away. Ask if I am a de say, I'm a tigre. Pété à l'alcool, chigé déconnecté. En vomi, en voici la gâte, ou en tout honnêteté. Ah, police, 100% plus police. A pas même royalisé, que c'est ma maman en chigé. Tellement à tout, quand pas te pêche, mais nous boude. Tellement chigé, que yo tout suive, que y'a te shooté. En chat de moi, en vrai, Tony Braxton. T'es qu'à sous ses cancards. Charlie Jackson, on imagine qu'adore la Batmobile. T'es Batman, t'es qu'à faire ma commère, Robin. Sans combine en haut, t'es qui en mode les wow. Et on est au sol, qui boule qui pille à corps. Concis, ça t'a été senti pas possession. T'es des meilleurs moi, mais t'es moins qu'à battre. On est un fucking chat. Tellement de chat, je suis comprendre malade. Chat de one sense, mais ma femme. Chat qui a fait pour prendre ses mots qui me parle. Gardez le temps, moi tellement chat de la santé. Tout ça, on est des moi, qu'un qui rit pour ma femme. Moi que chat de vie, sans si cela, c'est la roue. Voilà pour moi et tes bois cigarettes là. Pour moi, caisse là, pour moi, pas pour caisse là. Elle dit c'est ça, mes belles bougades caisse là. Comme t'as bon foutu un bordel, pas possible. Pour témoin là, c'était mission impossible. En 10 secondes et 3 minutes, police vivée. Effectivement, grâce au GC, là, on tire. On pas fini au poste, contre moi, ça, on qu'a pensé. Et puis d'ailleurs, rien à foutre de ça, on qu'a pensé. Il va dans le stade quand pas ça fait ça raconter. Oh, bravo! Oh, t'es né un fucking chat. Tellement de chat, je suis comprendre le malade. Chat de one sense, et ma femme. Chat qui a fait comprendre ses mots qui me parlent. Gardez le temps, moi tellement chat de la santé. Tout ça, on t'a dit, moi, quelqu'un qui brille pour ma femme. Moi, que chat de vie, que ça, c'est la roue au cas. Chat, un sous-chat. J'ai qu'on allait Dimitri si énergie en point réel attitude souriant comme over Jimmy. En jouet un chi, à menti avant vers whisky. En rail à croc, mélangé avec ecstasy. Mais c'est qu'on ça s'en déplacer arrivé New York et apprendre à parler anglais. Motherfuckers, de ça à l'est, il a au 4 police à l'cotesse. Ouais, puis dans ta période, quand tu t'en es ta défesse. Alors, on est pompon, hein. Permis, carte grise, insurance, s'il vous plaît. Oh, des moments, on doit oublier à casa. Exagéré, en mal géré, ça dégénéré. En foutant coup de pied, coup de poing, coup de tête, tout ça réglé. A mon avis, soulever la suite, mais toujours soucé. C'est notre premier fois qu'on graille pas clé en contre. On dirait un fucking chat. Tellement de chat, je suis pas bon, le malade. Chat de one sense, et ma femme. Chat qui a fait pour prendre ses mots qui me parle. Gardez le temps, moi tellement chat de la santé. Tout ça, on dirait moi, quelqu'un qui rit pour ma femme. Moi que chat de vie, sans si cela, c'est la roue au corps. Monsieur Feuille. Bon, là j'ai un peu lu votre CV. Hein. Écoutez, vous avez rien, pas de BEPC, pas de CAP. La MPE ne peut pas résoudre les cas complètement difficiles. Hein. Ça va être difficile. Vous savez, hein. Nous sommes dans un contexte économique artiste, particulier. Artiste, compositeur, musicien, donc. C'est simple. Hein. Peut-être un RMI. Hein. Peut-être un RMI.